Le maréchal Kim Jong-un a envoyé les messages de réponse aux chefs de parti et d'État de divers pays qui lui ont fait parvenir les messages et lettres de félicitations à l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée. Les destinataires sont le premier secrétaire du comité central du Parti communiste, président du Conseil d'État et président du Conseil des ministres de la République de Cuba, le secrétaire général du comité central du Parti populaire révolutionnaire Lao et président de la République démocratique populaire Lao, et autres chefs de parti et d'État de divers pays comme Iran, Portugal, Namibie, Tanzanie et Éthiopie. Le maréchal Kim Jong-un a également envoyé le message de réponse au co-administrateur général du Conseil du Fonds Kim Il-sung, Kim Jong-il, au secrétaire général de l'ONU et à l'administrateur général de l'Institut international des idées du Tutsi. Il leur a formulé sa vive reconnaissance d'avoir exprimé les félicitations et meilleurs vœux à l'occasion de la fête nationale. Il s'est exprimé convaincu du développement continu de bonnes relations d'amitié et de coopération entre la Corée et les pays intéressés et a souhaité succès dans leur travail.